L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe internationale d'astronomes vient de découvrir qu'une petite étoile binaire était passée très près de notre système solaire il y a 70 000 ans seulement. Elle est passée si près qu'elle a traversé le nuage de Oort, ce grand réservoir de comètes situé aux confins du système solaire. Bien que globalement les étoiles de notre galaxie possèdent un mouvement de rotation autour du centre galactique, les vitesses et les directions d'étoiles voisines peuvent être assez différentes, pour des raisons propres à leur histoire respective. Il peut ainsi arriver qu'une étoile se rapproche d'une autre assez vite, puis s'en éloigne aussi vite. Et c'est ce qui s'est passé avec cette étoile nommée WISE J07-2003.20-08-46-51-2, mais surnommée, on comprend pourquoi, WJ0720, ou encore l'étoile de Scholz, du nom de l'astronome allemand Ralph Dieter Scholz, qui l'a découverte à la fin 2013 grâce à la mission WISE de la NASA, Wide Field Infrared Survey Explorer, qui a cartographié le ciel en infrarouge. L'étoile de Scholz est composée de deux composantes, toutes les deux très petites. L'une est une étoile naine rouge, dont la masse fait seulement 8% de celle du Soleil, et sa compagne est une naine brune, c'est-à-dire une étoile non allumée, de seulement 6% de la masse du Soleil. Elle a une faible luminosité, malgré sa distance assez faible. Elles sont à environ 20 années-lumière de nous aujourd'hui. C'est en analysant la vitesse et la trajectoire de l'étoile de Scholz que Eric Mamayek de l'université de Rochester aux États-Unis et ses collègues sont parvenus à retracer son parcours passé et montrent que cette étoile s'est approchée du Soleil à une distance la plus courte connue à ce jour pour une étoile voisine, à seulement 0,8 années-lumière, 5 fois plus près que notre voisine la plus proche actuelle, Proxima Centauri. Cette distance est égale à 52 000 unités astronomiques. Une unité astronomique est la distance séparant le Soleil et la Terre. Dans leur article paru la semaine dernière dans The Astrophysical Journal Letters, les astronomes indiquent qu'ils sont sûrs à 98% que WJ0720 a traversé ce qu'on appelle le nuage de Oort externe. Le nuage de Oort est une sorte de coquille entourant le Soleil à très longue distance, s'étalant entre 0,5 et 1 année-lumière, et peuplé de milliards de petits cailloux qui sont autant de comètes potentielles lorsqu'une perturbation gravitationnelle vient modifier leur orbite. Et le nuage de Oort est relativement épais. Il peut être décomposé en ce qu'on appelle le nuage de Oort interne et le nuage externe. Ce qui a intrigué Eric Mamayek et l'a poussé à regarder de plus près la trajectoire de l'étoile de Scholz, c'est qu'elle avait une vitesse tangentielle très faible, sa vitesse apparente sur la voûte céleste, malgré sa distance faible. Normalement, les étoiles aussi proches ont une vitesse tangentielle assez grande. Il n'y avait que deux possibilités, donc, soit l'étoile fonçait vers nous, ou soit elle s'éloignait de nous. Mais d'autres mesures de sa vitesse radiale, cette fois, ont été effectuées à l'ESO par Ivanov, co-auteur de l'étude, et ses collègues, par des mesures du décalage Doppler, et ont montré que l'étoile de Scholz s'éloignait directement de nous à très grande vitesse, environ 20 unités astronomiques par an, ce qui fait, en unités humaines, 340 000 km/h, ou environ 100 km par seconde, si vous préférez. Les chercheurs ont pour cela exploité deux grands télescopes, le Southern African Large Telescope, SALT, situé en Afrique du Sud, et le Magellan Telescope de l'observatoire Las Campanas au Chili. En reliant sa vitesse radiale mesurée et la direction de son mouvement, obtenue par la combinaison des deux vitesses, radiale et tangentielle, les astronomes se sont rendus compte que l'étoile de Scholz était passée tout près du Soleil il y a très peu de temps à l'échelle cosmologique, à peine 70 000 ans. Avant cette découverte, le passage d'étoile le plus proche était estimé être celui de l'étoile HIP 85605, qui est passée près du Soleil il y a 240 000 à 470 000 ans. Mais seulement une distance qui a été réestimée par Mamayek et al. D'ailleurs, de 200 années-lumière, soit très très loin du nuage de Oort du système solaire. Mamayek et son équipe ont modélisé plus de 10 000 trajectoires possibles pour WJ0720 à partir des données cinématiques, en prenant en compte un grand nombre de paramètres. 98% de ces trajectoires montrent que l'étoile est passée dans le nuage de Oort externe. En revanche, seulement une trajectoire sur 10 000 arrive dans le nuage de Oort interne. Ce résultat est important, car ce sont des perturbations de cette zone interne du nuage de Oort qui peuvent produire des pluies intenses de comètes, potentiellement dangereuses pour les planètes telluriques que sont Mars, Vénus ou la Terre. Le passage de l'étoile de Scholz n'aurait donc eu qu'un impact négligeable sur notre système solaire, et on peut s'en réjouir. Mais comme le fait remarquer Eric Mamayek, d'autres perturbateurs importants du nuage de Oort peuvent se cacher dans des étoiles proches. Même si la luminosité intrinsèque de ce type de naine rouge est très faible, elles peuvent être sujettes à des éruptions multipliant par 1000 leur éclat. Il est donc possible que l'étoile de Scholz, lors de son passage proche, ait été visible à l'œil nu de quelques hommes de Néandertal admirant le ciel. Le télescope Gaïa, lancé récemment par l'Agence spatiale européenne, a pour mission de cartographier des milliards d'étoiles de la galaxie en mesurant leur vitesse et position. Grâce à ces données, les astronomes pourront enfin déterminer avec précision quelles sont les étoiles proches qui se sont ainsi rapprochées de près du Soleil dans le passé ou qui vont le faire à coup sûr dans le futur. L'article de Eric Mamayek et al. Est paru dans The Astrophysical Journal Letters le 10 février 2015 avec pour titre « The closest known flyby of a star to the solar system ». Et l'article de découverte de Ralph Dieter Scholz était paru dans Astronomy and Astrophysics en 2014. Au tout début 2014, il était intitulé « Neighbors hiding in the galactic plane ». A new M on L dwarf candidate for the APC sample. Et il est en accès libre. Ah oui. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Bah, gardez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre, hein, comme on dit toujours. Ciao, ciao!